Tout l'été, nous avons nous rendez-vous avec la grande histoire de l'exploration spatiale juste avant 9h. Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, poète, écrivain et il nous fait voyager depuis le début juillet à travers l'univers dans ses chroniques de l'espace. Mais ce matin, on reste sur Terre. 4, 3, 2, 1, lift off. Nous parlons de voyages interplanétaires et intersidéraux, d'êtres humains à bord de vaisseaux spatiaux, mais nous oublions souvent que nous naviguons déjà dans l'espace à une vitesse phénoménale à bord d'un vaisseau spatial naturel, notre planète Terre. Tous les corps célestes se déplacent en effet dans l'univers, sous l'influence des forces de gravitation, et notre planète n'échappe pas à la règle. En l'espace d'une seconde, nous avons déjà parcouru des dizaines de kilomètres dans le système solaire. Mais ce n'est pas tout. Nous bougeons dans la galaxie et celle-ci fonce à travers l'univers local. Récapitulons. Le premier mouvement à prendre en compte n'est pas gravitationnel. C'est la rotation de la Terre sur elle-même. Aux latitudes de la France, elle est d'environ 1100 km/h. Tandis qu'à l'équateur, à raison de 40 000 km en 24 heures, ça fait 1600 km/h. À noter que notre planète tourne moins vite sur elle-même qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Autour du Soleil, cela va déjà beaucoup plus vite. La période de révolution de notre planète est de 365 jours et 6 heures. Une année donc, pour boucler un circuit presque circulaire long de 940 millions de kilomètres. Autrement dit, la Terre et nous tous, avec, fonçons à 30 km par seconde. Ça fait 2,6 millions de kilomètres par jour. À son tour, le Soleil, loin d'être immobile, se déplace dans la galaxie aux côtés de centaines de milliards d'autres étoiles, entraînant avec lui son petit cortège de planètes à une vitesse voisine de 250 km par seconde. Et comme le centre de la Voie lactée autour duquel nous tournons est situé à 26 000 années-lumière, eh bien il faut 230 millions d'années pour faire un tour complet de manège. Notre galaxie bouge aussi dans le cosmos. Elle et sa grande voisine, la galaxie d'Andromède, actuellement distante de 2,5 millions d'années-lumière, s'attirent mutuellement, fonçant l'une vers l'autre à environ 400 000 km/h. À ce rythme, les deux devraient entrer en collision dans 4 milliards d'années. Une fusion qui donnera naissance à l'Androlactée. Et comme rien n'est immobile dans l'univers, notre groupe local de galaxies se déplace lui aussi relativement à d'autres. Nous parcourons ainsi chaque heure quelques 2 millions de kilomètres en direction de l'amas de galaxies de la Vierge. Et cet immense groupe se déplace au sein d'un vaste continent galactique auquel nous appartenons, qui a été découvert en 2014 et baptisé Laniakea, ce qui signifie « immense horizon céleste » en langue hawaïenne. Au centre de Laniakea se trouve un grand attracteur vers lequel convergent des millions de galaxies. Le grand attracteur lui-même file en direction d'un autre attracteur, le superamas de Chapelet. Bon, cela donne un peu le vertige. Alors résumons. En combinant ces différentes vitesses dans différentes directions, on en déduit que notre vaisseau Terre se déplace dans l'univers à une vitesse absolue de 630 km par seconde. Alors bien entendu, nous ne ressentons pas ces mouvements phénoménaux. Et oui, on sait depuis Galilée que le mouvement rectiligne à vitesse constante est strictement équivalent au repos. Tout le monde a fait l'expérience du train démarrant très lentement en gare, au point que l'on ne sait pas si c'est notre train qui bouge ou le train d'à côté qui part en sens inverse. Ce que notre corps perçoit, ce sont les accélérations. Un coup de frein en voiture, un trou d'air en avion, un chaos et un virage sur la route sont perçus, car chacune de ces manifestations représente une accélération. Alors certes, la Terre fait des virages autour du Soleil ou autour de la galaxie, mais leur rayon de courbure est si grand qu'aux échelles humaines, le trajet parcouru est parfaitement rectiligne et l'accélération ressentie est nulle. Repos, donc, avant la chronique de demain. Les chroniques de l'espace de Jean-Pierre Luminet, réalisation Christophe Humbert, à retrouver dès maintenant en podcast sur franceinter.fr.